Au lieu de l'éliminer complètement l'abat-jour, on le changera pour un autre. Qui c'est qui dit que tu es obligé d'avoir un abat-jour quand tu as une lampe? C'est parce que les lampes sont mal faites. Ou c'est les abat-jours qui sont trop dents. Une technique infaillible pour développer le périsprit de façon. Il n'y a pas de technique. Les techniques, ça fait partie du périsprit. Quand je dis qu'on est enculé, ça, je veux dire. On a de l'instruction, on voit, ça nous ouvre les lumières, ça nous ouvre les lumières, c'est ça qui diminue, puis qui diminue, puis qui diminue. Je suis sûr que la plupart d'entre vous autres, vous vous sentez un petit peu plus intelligent que vous étiez avant. Vous êtes technique, c'est bien fait. Ça fait partie du périsprit technique. C'est tout qui nous analyse, c'est plus le périsprit ou supérieur, Pardon? ici au contraire. C'est tout qui nous amène ici au contraire, c'est tout parce que c'est le périsprit, c'est la lumière qui nous amène ici. Question intéressante. Question bien intéressante. C'est le périsprit qui vous amène ici dans la lumière. Osez espérer que ça lumière. Ici, on nous aide à sa façon, la lumière nous aide à créer l'esprit. Si vous venez ici, c'est parce qu'il y a assez de lumière dans votre ego pour venir. Vous savez qu'on n'est pas des corps Aucun homme est incompétent. Vous n'êtes pas des cas perdus, mais vous n'êtes pas nécessairement des cas sauvés non plus. Mais au moins, vous avez une occasion. Mais ça dépend toujours de votre périsprit, pareil. Mais ça, on ne peut pas en prendre conscience du périsprit. Vous prenez conscience. Il ne s'agit pas de prendre conscience du périsprit. Il s'agit de comprendre les lois de l'intelligence. Mais une fois que vous comprenez les lois de l'intelligence, automatiquement, le périsprit disparaît. Parce que automatiquement, vous devenez plus intelligent. Quand tu deviens plus intelligent, c'est ça que tu as besoin de savoir. Moi, je m'en crisse comme dans la 40 de mon périsprit. Je souffre encore. Mais je souffre pas de mon périsprit. C'est pas mal. Je souffre du périsprit. Je souffre du périsprit de l'homme. Ce que j'appelle la conscience planétaire. Pardon? Ça fait partie de ma vie créative. Mais ça, c'est un petit ton secret pour les enfants. Secret dans le chèvre, c'est ton secret. Mais ça le de savoir.

Votre mère est bien malade, t'es à l'hôpital, t'as vu que vous y allez, puis vous n'y êtes pas allé parce que vous étiez prêt à en faire, puis quoi, elle meurt, puis là, vous avez des problèmes psychologiques pendant des années de temps, puis vous vous sentez coupable. Ça, c'est vivre psychologiquement. Ça détruit l'homme et ça densifie son périsprit. Je vous donne un exemple qui peut faire comprendre tous les autres exemples. Où il y a culpabilité vis-à-vis de soi-même, c'est vivre psychologiquement. Où il y a des actions qu'on a soi-même vécues, qu'on a commises et qu'on regrette, puis qu'il nous reste une petite crotte en arrière, c'est vivre psychologiquement. Et c'est ça qui crée les conditions qui font que vous pensez. C'est ça qui crée les conditions qui vous font penser. Sans ça, vous penseriez beaucoup moins. Vous seriez plutôt dans l'intelligence, dans l'intention de l'intelligence que penser. Vous vivez de votre mémoire. Bernard, est-ce que ça fait partie du principe si, admettons, tu vas jaser avec quelqu'un à un moment donné, le lendemain, ça te revient, ça. Tu vas dire quelque chose ou tu vas affirmer quelque chose, puis tu as des comebacks après. C'est le périsprit. Quand tu as un comeback comme ça, là, automatiquement, tu sais, quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, le lendemain, ça me revient de. C'est hier. Je vais avoir cette façon-là de réagir. Là. Ça s'est passé hier. Vous détruisez le périsprit. Tu n'as pas un intérêt à une explication. Ça fait soutenir émotivement l'explication. Dans quel sens? Dans le sens que tu t'enveloppes de l'explication, émotivement, intellectuellement. Et à ce moment-là, tu prends un comportement psychologique en relation avec l'explication. Ça te fait plaisir. C'est du périsprit. Le périsprit, c'est ce qui entretient l'ego en dehors de l'intelligent. En dehors du présent de l'intelligent. En dehors de l'intelligent. En dehors du périsprit. C'est quelqu'un qui est en dehors de l'intelligent, qui est dans le périsprit. C'est soit tu es dans le périsprit ou dans l'intelligence, un des deux. Ou tu vas vers l'autre. Tu sors du périsprit pour entrer dans l'intelligence. Tu vas avoir des symptômes, ça fait des symptômes. C'est si abstrait que ça, le périsprit. La différence entre l'homme qui vit dans le périsprit et l'homme qui vit en dehors, c'est que l'homme qui est en dehors du périsprit fonctionne vibratoirement, uniquement. Il ne vit pas psychologiquement. Très juste. Il vit vibratoirement. Il vit vibratoirement. Très juste. Il est totalement neutre. Il vit vibratoirement. Vivre vibratoirement, c'est ça. Vivre vibratoirement, c'est vivre dans l'intention de l'intelligence, dans l'intention de l'énergie de l'intelligence. Il n'y a aucune psychologie là-dedans. Tu ne peux pas t'en faire parce que tu vis vibratoirement. Aussitôt que tu t'en fais, tu es dans le pire esprit. Quand tu vis vibratoirement, tu ne peux pas t'en faire.